Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'achat de la Louisiane par les États-Unis en 1803. Pour nous, ce n'est pas véritablement une perte. Le calcul de Bonaparte, c'était en cédant la Louisiane à un très très bon prix, de s'assurer l'alliance américaine contre l'Angleterre, la perfide Albion, notre ennemi traditionnel. Bonaparte pensait qu'il avait peu de chances de maintenir la présence française en Louisiane. Tout est une question de perspective. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aux États-Unis, on parle de l'achat de la Louisiane à la France, tandis qu'en France, on parle plutôt de la vente de la Louisiane aux États-Unis. Et en ce sens, que l'historien Jean Tullard vient de nous dire à la télé française en 2003 est fort révélateur. Pour la France de Napoléon, loin de constituer un revers, la vente de la Louisiane est au contraire, à ce moment-là, considérée comme un très bon coup. Il y a 200 ans, un simple bout de papier allait changer à tout jamais le visage de l'Amérique. En 1803, Thomas Jefferson, président des États-Unis, envoie un émissaire en France. Il veut acheter la Nouvelle-Orléans. Napoléon Bonaparte offre tout le territoire de la Louisiane, renonçant ainsi à ses projets d'étendre son empire à l'Amérique. Si on n'achetait pas Louisiane, on ferait la guerre contre la France pour la gagner. Du coup, les États-Unis venaient de doubler leur superficie. Un territoire immense est ainsi cédé. 1 200 000 km² qui s'étend du golfe du Mexique jusqu'au Canada et du Mississippi jusqu'aux Rocheuses. Very early after they sold it, they had regrets because they realized the economic potential. Très rapidement, la France a regretté. Napoléon Bonaparte disait « de l'audace, toujours plus d'audace ». Il y a 200 ans en Amérique, c'est Thomas Jefferson qui a fait preuve d'audace. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Nouvelle-Orléans. Extrait du téléjournal du 6 juin 2003, année du bicentenaire de l'achat de la Louisiane par les États-Unis, pour nous expliquer le contexte qui va conduire à cette transaction qui va changer la face du continent. Je reçois Jean-Pierre Le Glonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Que représente donc l'achat de la Louisiane dans l'histoire des États-Unis, Jean-Pierre Le Glonec? Mais c'est un moment clé, mais pas seulement dans l'histoire des États-Unis. On va revenir. C'est un moment clé dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire la conquête napoléonienne, mais c'est aussi un moment clé dans l'histoire des Antilles. Oui. Donc c'est une transaction, certes, mais c'est bien plus qu'une transaction sur le plan symbolique. En effet, la jeune République n'est plus si jeune que ça. En 1803, elle se cherche et tout à coup, elle se rêve en continent. Parce que c'est un moment où l'idée d'acheter ou pas la Louisiane, c'est un moment important dans la définition même que les Américains vont donner à ce qu'ils sont. Que va devenir ce pays? C'est un peu ça, au fond. Oui, absolument. Mais il faut quand même se rappeler que pendant très très longtemps, jusqu'en 1776, les États-Unis se résument finalement à 13 colonies qui sont enchâssées entre d'un côté l'océan Atlantique et les Appalaches. Et pendant très longtemps, les 13 colonies qui se savent ou qui se sentent exceptionnelles ne s'imaginent pas comme étant une nation continentale pour une bonne et simple raison, c'est que jusqu'à la guerre de 7 ans, de l'autre côté des Appalaches se trouve un obstacle relativement important, c'est l'obstacle français. Ouais. Il y a aussi un obstacle autochtone, bien entendu. Et puis, cet obstacle-là, il est réel. En fait, jusqu'en 1776, le roi de George III interdit aux habitants des 13 colonies de se déplacer de l'autre côté des Appalaches et de prendre les terres autochtones. Donc, pendant très longtemps... les 13 colonies ne se pensent pas comme nation continentale. Et puis, bon, cela change très rapidement. Dans les années 1770-1780, il y a une pression démographique très très forte transappalachienne. Et finalement, les 13 colonies s'étendent dans ce qui est aujourd'hui le Tennessee, le Kentucky, la vallée de l'Ohio. Et puis, cette pression démographique vers l'ouest ne cesse de s'accentuer. Et c'est le cas début 19e siècle, en 1803. Et la Louisiane, c'est ça. Donc, c'est ce rêve de devenir une nation d'un océan à l'autre, continentale, c'est cette expansion qui devient possible. Ben absolument. La clé de la Louisiane, la clé de l'achat de la Louisiane, c'est le Mississippi. Ouais. Au centre des États-Unis se trouve cet immense fleuve. Et la vallée mississippienne, c'est... pour Jefferson, le troisième président des États-Unis, alors en poste en 1803, le Mississippi, c'est la clé de la richesse de la jeune République. Sans Mississippi, il ne peut pas y avoir d'expansion économique ou même d'expansion sur le plan de la politique étrangère. Donc Jefferson, les Jeffersoniens, qu'on appelle alors les Républicains, ont besoin d'un accès libre au Mississippi pour transporter les marchandises produisent les habitants du Mississippi, du Kentucky, du Tennessee, de tous ces nouveaux États ou territoires qui sont en formation au fur et à mesure que les habitants des 13 colonies, des 13 anciennes colonies, se déplacent au-delà des Appalaches et volent les terres autochtones. Ouais. Alors, comment en vient-on à cette transaction qui est plus qu'une transaction, nous disiez-vous, mais à cette vente ou cet achat de la Louisiane? Comment on en arrive à ça? Pour répondre à la question, je pense qu'il faut remettre un petit peu en contexte ce qu'on entend par Louisiane. Oui. La Louisiane est un immense territoire sous contrôle français de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la guerre de Sept Ans. À la guerre de Sept Ans, la France accepte de céder la rive gauche de la Louisiane à la Grande-Bretagne, donc cet immense territoire entre le Mississippi et les Appalaches. Et puis la France cède la rive droite de la Louisiane à la couronne espagnole, donc en 1762. Donc l'ouest de la Louisiane est espagnole. L'ouest de la Louisiane. Les Britanniques. Absolument. Alors, l'est de la Louisiane, c'est donc un territoire qui est réservé aux autochtones selon la proclamation de 1763, donc jusqu'en 1776 environ. Et l'ouest de la Louisiane est un territoire espagnol qui est très peu peuplé. On y compte seulement quelques dizaines de milliers de colons et coureurs des bois, en plus, bien sûr, des populations autochtones qui s'y trouvent. Donc, la Louisiane, à l'ouest du Mississippi, est rétrocédée à la France en 1800 par le traité de San Ildefonso. Et c'est un traité secret, mais très vite, la nouvelle se répand. Et la nouvelle inquiète aussi bien les fédéralistes de la Nouvelle-Angleterre que les républicains jeffersoniens, parce qu'au fond, on ne s'inquiétait pas trop de la présence espagnole. L'Espagne n'a jamais vraiment cherché à coloniser le territoire louisianais, de la même manière que l'Espagne n'a jamais cherché à coloniser véritablement la Californie ou le Nouveau-Mexique. Alors, on ne s'inquiète pas trop du voisin espagnol, mais on s'inquiète du voisin français. On trouve que Napoléon a tout de même est assez puissant sur le continent européen, et on s'inquiète de la possibilité qu'il y ait un nouvel empire français, finalement, qui irait de Saint-Domingue, à Haïti, dans les Antilles, jusqu'au Canada. Ce que, effectivement, à ce moment-là, au moment de la signature de ce traité en 1800, ce qu'envisage vraiment Napoléon? Un retour en force, entre guillemets, en Amérique. Oui, Napoléon n'est pas un empire prêt, un empire continental européen, et pourquoi pas un empire américain. En effet, Napoléon, appuyé par des nostalgiques de l'ancien régime, imagine qu'il serait possible de reconstituer une sorte d'empire nord-américain, un empire esclavagiste, qui irait de la Guadeloupe, de la Martinique et de Saint-Domingue, donc à Haïti, jusqu'à la Louisiane. Et ce nouvel empire, finalement, permettrait d'oublier l'échec de la guerre de Sept Ans, et surtout l'échec de Saint-Domingue, puisqu'à Saint-Domingue, l'esclavage est aboli en 1794. Et ça, c'est un échec qui est impensable pour les nostalgiques de l'ancien régime. Il faut à tout prix rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, et il faut faire en sorte, finalement, que l'Amérique française redevienne une Amérique esclavagiste. Donc le plan, il est à ce moment-là, ça va changer rapidement, mais en 1800, c'est assez clair, il y a cette vision de la France de Napoléon. Mais la situation, donc, va changer, parce que dans les Antilles, il y a des développements que n'avait pas vu ou souhaité Napoléon et qui poussent donc la France tout à coup à vouloir vendre la Louisiane aux États-Unis. Donc, changement de cap et de stratégie majeure en France. On écoute l'historienne Cécile Vidal en parler à l'émission « J'ai souvenir encore » en 2004. C'est pas une question d'argent. Ce qui intéressait Napoléon, c'était Saint-Domingue. À partir du moment où l'expédition de Leclerc avait échoué à Saint-Domingue ou était en train d'échouer, la Louisiane n'avait pas que peu d'intérêt. Au départ, la Louisiane était censée, dans le rêve d'empire de Napoléon, fournir justement les plantations esclavagistes en farine, etc. Mais l'intérêt, c'était Saint-Domingue, ce n'était pas la Louisiane. Donc, échec de l'expédition Leclerc. Et puis ensuite, la Louisiane, Napoléon craignait qu'elle, de toute façon, elle ne reste pas française longtemps. C'était une proie facile, aussi bien pour les Britanniques que pour les Américains. C'est la grande expansionnisme américain. Voilà. Et la troisième raison, c'est qu'en vendant la Louisiane aux États-Unis, Napoléon faisait des États-Unis une puissance plus importante par rapport à la Grande-Bretagne, qui restait, aux yeux de la France, l'ennemi principal. Avant tout. Donc c'est le choix européen et la rivalité franco-anglaise. Là, c'est intéressant, Jean-Pierre Le Glonec. C'est en quelque sorte, je pense qu'on peut dire que c'est à Saint-Domingue, au fond, c'est fou, que se joue le sort de la Louisiane. Mais en effet, c'est à Saint-Domingue, Haïti, en 1804, que se joue le sort de la Louisiane, mais que se joue le sort des États-Unis en général. Et donc, les États-Unis, aujourd'hui, ont une dette très importante envers le peuple haïtien. Je pense qu'il faut revenir un peu sur le contexte ici. Saint-Domingue est la grande colonie esclavagiste française au XVIIIe siècle. Elle est frappée par une révolution, enfin, par la révolution en 1789-1794. Et cette révolution aboutit à l'abolition de l'esclavage en 1794, le 4 février, dans toutes les colonies de l'Empire colonial français. Cependant, les anciens planteurs réclament à corps et à cri le rétablissement de l'esclavage. Et donc, Napoléon accepte en 1802 d'envoyer à Saint-Domingue, qui est alors une colonie libre, il n'y a pas d'esclavage, une très forte expédition qui est gouvernée par son beau-frère, le général Leclerc. Expédition d'environ 25-30 000 hommes, c'est pas une petite affaire. Et l'expédition de Saint-Domingue a deux objectifs, de rétablir l'ordre dans la colonie, mais surtout de rétablir l'esclavage. Et donc, à partir du mois de février 1802, s'enclenche à Saint-Domingue une guerre, qui est d'abord une guerre contre la présence française et qui devient ensuite une guerre d'indépendance à partir, disons, du printemps 1803 jusqu'en novembre 1803 et puis jusqu'à la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Alors, il est bien certain en effet que à partir du moment où l'expédition de Saint-Domingue est considérée comme un échec, et c'est très très clair à partir du printemps 1803, en aucun cas la France ne pourra rétablir l'ordre et rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Oui. Les officiers militaires à Saint-Domingue, Leclerc dans un premier temps, qui est remplacé ensuite par Rochambeau, les officiers français et les autorités à Paris estiment en effet qu'il n'y a plus rien à espérer à Saint-Domingue. Et s'il n'y a rien à espérer à Saint-Domingue, il n'y a rien à espérer en Louisiane, puisque les deux colonies devait fonctionner en tandem. La Louisiane devait en effet fournir des farines, mais pas seulement, du bois, etc. Enfin, sur le plan économique, c'était la nouvelle épine dorsale, finalement, de l'Empire français. Et c'est au même moment, donc au printemps 1803, où la France comprend que les carottes sont cuites à Saint-Domingue, que le président Jefferson envoie hasard, James Monroe à Paris pour entamer des négociations sur l'achat de la Louisiane. Évidemment, on comprend bien que Napoléon est en train de changer d'idée. Il ne voulait pas vendre la Louisiane, mais ça devient intéressant pour lui. Comment ça se passe, ce voyage-là de Monroe à Paris, ces négociations avec la France et avec Napoléon lui-même? Alors, Thomas Jefferson n'est pas certain, dans un premier temps, qu'il souhaite acquérir quoi que ce soit. En fait, il est poussé un petit peu par la droite des fédéralistes qui estiment que une nouvelle présence française dans la vallée du Mississippi sera un grand danger sur le plan géostratégique. Alors finalement, Jefferson est un peu poussé à faire quelque chose pour régler la question louisianaise. Et il accepte en effet d'envoyer à Paris James Monroe, qui est l'ancien gouverneur de Virginie, c'est un grand ami de Jefferson. Et surtout, James Monroe est perçu par les habitants de l'Ouest comme étant un ami, un soutien. Monroe lui-même est propriétaire de terres dans le Kentucky. Alors James Monroe est envoyé à Paris pour négocier donc avec le ministre plénipotentiaire américain, Robert Livingston, négocier non pas l'achat de la Louisiane. Thomas Jefferson, dans un premier temps, ne pense pas vraiment à une destinée continentale pour les États-Unis. Les deux émissaires, Monroe et Livingston, ont comme mission de dépenser un maximum de 10 millions de dollars pour obtenir la Nouvelle-Orléans et les Florides. Et si ça ne fonctionne pas, pour obtenir un droit de navigation et de décharge à la Nouvelle-Orléans pour les marchandises de l'Ouest américain. Alors vous voyez que l'objectif est assez petit. On ne pense pas du tout acheter le territoire louisianais. Coup de théâtre, le 12 avril, lorsque James Monroe arrive à Paris, il pense donc négocier quelque chose de petit. Et finalement, Napoléon, et pas seulement en fait, Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères, enfin le ministre des Colonies, propose en effet aux deux émissaires américains l'intégralité du territoire louisianais. Alors, c'est Noël. C'est Noël. et la somme peut paraître un petit peu ridicule. On parle de 60 millions de francs, 15 millions de dollars. Alors, tout à l'heure, Cécile Vidal nous disait que c'était pas une question d'argent. Napoléon est quand même conscient que la paix avec la Grande-Bretagne Grande-Bretagne, qui dure depuis un an à peu près, est sur le point de se terminer, et il a besoin d'argent de toute façon pour mener son effort de guerre en Europe. Donc, bon, finalement... Le 15 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui, 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et sur le plan constitutionnel, ça pose un problème très très important à Jefferson. Est-ce qu'il a le droit constitutionnellement de signer un traité aussi important et de doubler la taille des États-Unis avec tous les risques que ça suppose? Comment est-ce qu'on va intégrer tous ces nouveaux territoires avec des habitants qui sont hispanophones, francophones, catholiques? Bon, c'est pas forcément une grande promesse, hein, l'achat de la Louisiane dans un premier temps. Il y a des craintes réelles au Congrès. Juste un mot quand même pour situer, pour qu'on comprenne bien. 15 millions, à l'époque, c'est une fois et demie le produit intérieur brut des États-Unis. C'est quand même ça. Oui, que oui, ça tout coûte à fait. Non, c'est beaucoup d'argent, mais c'est quand même 828 000 milles carrés de terre, de l'embouchure du Mississippi jusqu'au Canada, jusqu'aux Rocheuses. Ouais. Alors, avec la frontière orientale qui est le Mississippi, c'est une quinzaine d'États qui seront créés, hein, éventuellement. Alors, dans les deux colonnes, je disais, il y a des inquiétudes au Congrès. Il y a des gens qui s'inquiètent de cet achat de la Louisiane par les États-Unis. En même temps, vous l'avez un peu évoqué, il y a une réalité économique, l'intérêt du Mississippi. Ça va se faire. Les États-Unis vont l'acheter, la Louisiane. Qu'est-ce qui plaide en faveur de cet achat-là? Quelles sont les inquiétudes, par ailleurs, qu'on observe au Congrès américain? Les inquiétudes sont réelles, mais elles sont tout de même marginales. Comment faire pour intégrer ce nouveau territoire? Comment faire aussi pour que la République américaine, la jeune République, reste une République cohérente, une République unie? C'est tout de même le grand rêve en 1776, hein, que les États-Unis soient composés d'États distincts, mais toujours unis par des valeurs communes. Alors comment faire en sorte, comment être certain finalement que les habitants de la Louisiane partagent les valeurs républicaines de la Virginie ou des États de la Nouvelle-Angleterre. Donc, vous voyez, sur le plan des valeurs, il y a des questions qui se posent, notamment chez les fédéralistes. Mais finalement, fédéralistes comme républicains sont convaincus que on ne peut pas, enfin, les États-Unis ne peuvent pas imaginer la sécession du Tennessee ou du Kentucky ou du Mississippi. Il faut absolument que tous ces territoires nord-américains continue à ne former qu'une seule entité sur le plan politique. Donc finalement, assez vite, la Louisiane ne pose plus vraiment problème. Mais sur le plan symbolique, c'est très important que le traité qui est signé à Paris le 2 mai 1803, donc le traité de cession, le traité d'achat ou de vente, est annoncé à la jeune République, enfin à tous les États et à tous les habitants de la jeune République le 4 juillet. 1803. Alors 4 juillet 1803, c'est pas n'importe quelle date, évidemment. C'est une façon, sur le plan symbolique, de dire les habitants de la Louisiane et les habitants de la Virginie et des vieux États sont sur le même plan. Il y a 200 ans, le 14 mai 1804, l'expédition Lewis et Clark débute. 45 hommes et leurs canots s'engagent sur la rivière Missouri, près du village français de Saint-Louis. Parmi eux, de nombreux Canadiens français. Deschamps, Labiche, Cruzat, Drouillard, Primo, Rivet, Hébert. Le but, explorer l'immense territoire à l'ouest du Mississippi que les États-Unis ont acheté à la France un an plus tôt. On veut trouver un chemin vers l'océan Pacifique. Meriwether Lewis et William Clark, deux militaires, sont à la tête de l'expédition. Il leur faut un an et demi pour remonter le Missouri, traverser les Rocheuses et atteindre l'océan Pacifique. En cours de route, ils découvrent de nouvelles espèces animales, de nouvelles plantes. Ils affrontent le grizzly, observent les étonnants chiens de prairie et sont un peu déçus de ne pas voir de mammouth laineux. Ils établissent des liens avec de nombreuses tribus amérindiennes qui les aideront tout au long de leur périple. Cette épopée est devenue un des mythes fondateurs des États-Unis. Le journal de bord de l'expédition compte 10 000 pages. On peut y suivre à la trace l'exploit de Lewis et Clark. Mais les grands oubliés de cette expédition, ce sont les nombreux Canadiens français qui ont contribué à l'histoire américaine. Extrait de l'émission Découverte du 22 août 2004. On ne peut pas faire une émission, Jean-Pierre Ladlanec, sur l'achat de la Louisiane par les États-Unis sans parler de cette expédition de Lewis et Clark. Qui sont-ils d'abord, ces deux hommes, Meriwether Lewis et William Clark? Deux militaires de formation, on vient de l'entendre. Meriwether Lewis est un proche de Jefferson, c'est son secrétaire personnel. Il a 28 ans seulement. Deux jeunes hommes qui sont en tout point caractéristiques, finalement, de cette jeune république, jeune, confiante, prête prête à se déplacer dans des territoires inconnus à la recherche de mammouths laineux, on vient de l'entendre. En fait, je compliquerai un petit peu les choses tout de même, parce que c'est surtout un voyage impérialiste. Jefferson décide de ce projet d'expédition bien avant l'achat de la Louisiane, plusieurs mois avant l'achat de la Louisiane. Il demande au Congrès d'autoriser financièrement une grande expédition afin d'explorer l'ouest du pays et de trouver en effet un passage naturel vers l'océan Pacifique, ce que Lewis et Clark vont plus ou moins faire au terme d'un périple particulièrement éprouvant. Donc c'est tout de même une expédition impérialiste. L'objectif est pas seulement d'établir de bonnes relations avec les populations autochtones, mais aussi de repérer des endroits où installer des postes militaires, ouais, dans l'éventualité où les États-Unis feraient l'acquisition de ce territoire. Et pour Jefferson, d'une certaine manière, il ne fait pas de doute qu'un jour ou l'autre, la Louisiane fera partie, ouais, du territoire américain. Donc il y a la découverte du territoire, les considérations stratégiques dont vous venez de parler, puis il y aura une vertu, je ne sais pas si c'était prémédité, mais au final, il y aura une vertu, je dirais, pédagogique à tout ça. Parce qu'on l'a vu, cet achat de la Louisiane, si c'est clair dans la tête de Jefferson, c'est pas encore... Au début, il y a des hésitations au Congrès, dans la population américaine, on ne sait pas ce que c'est que cette affaire-là. On ne sait pas du tout. Et ouais, c'est pour ça que c'est fondamental sur le plan symbolique et sur le plan scientifique. C'est ce que Jefferson veut savoir, ce qui se trouve à l'ouest, mais il veut aussi que l'Amérique tout entière, en connaissant l'ouest de son territoire, se reconnaissent. C'est, ouais, à la fois, c'est une question de connaissance et de reconnaissance. Et c'est exactement ce qui se passe avec Lewis et Clark, qui partent donc à l'assaut du Missouri, qui traversent les Rocheuses, qui descendent les rivières Snake et Columbia jusqu'à l'océan Pacifique et qui reviennent de manière miraculeuse à Saint-Louis, point de départ, au printemps 1806. Et il faut imaginer la scène, enfin, des explorateurs qui ramènent avec eux des cartes, des dessins, des spécimens, des données sur les populations autochtones qu'ils ont rencontrées, qui rapportent en effet des cahiers remplis d'informations qui seront publiés en 1814 et qui font la popularité des deux explorateurs. Et les journaux en parlent de cette expédition. Les journaux en parlent tout le long de l'expédition. Ouais. Donc il faut vraiment s'imaginer, lecteur du Mississippi, lecteur du territoire et de l'État de la Louisiane qui est fondé en 1812, ou lecteur des États, des vieux États finalement, anciennement 13 colonies, tous ces lecteurs-là entendent parler d'une Louisiane qui n'est pas seulement française, mais d'une Louisiane américaine, avec des habitants, avec des animaux, ouais, avec des couleurs, avec une végétation, avec des populations autochtones. Et là, tout à coup, la Louisiane n'est plus seulement une acquisition, mais ça fait déjà partie des États-Unis. En quelques mois, en quelques années, finalement, la Louisiane est véritablement américaine. Au final, quel impact aura eu l'achat de la Louisiane? Bien sûr, c'est plus de territoire pour les États-Unis, mais c'est plus que ça. Quel impact a eu cet achat-là sur la manière dont va se développer ce pays-là? Mais je dirais que l'impact principal, c'est vraiment... La réverbération principale de l'achat de la Louisiane, c'est le développement de l'esclavage à l'Ouest. L'esclavage n'était pas censé se développer à l'Ouest comme il s'est développé. Et puis, finalement, la Louisiane devient l'État pivot dans l'institution esclavagiste au 19e siècle. Et la question de l'esclavage se pose dans tous les États ou territoires qui ont été acquis à la France en 1803. La question du développement de l'esclavage se pose dans l'Arkansas, il se pose dans le Kansas et le Nebraska, il se pose dans le Dakota. Donc, partout où il y a acquisition de territoire, partout où il y a déplacement de population de l'Est vers l'Ouest, se pose la question de l'expansion de l'esclavage. Donc finalement, l'achat de la Louisiane devait, dans l'idéal jeffersonien, être un territoire de petits fermiers. La Louisiane devait permettre de réaliser le rêve jeffersonien, qui était le rêve d'une république agraire. Finalement, c'est un petit peu tout le contraire qui s'est passé. La Louisiane, le grand territoire de la Louisiane, est devenu une question de conflit aux États-Unis, ouais, autour de l'expansion vers l'Ouest ou non de l'esclavage. Jean-Pierre Lardonnec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur la nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.